croquer du chocolat. Прослушайте текст и расскажите, как автор советует наслаждаться шоколадом. Pour commencer, la dent. Mais comme le chant en maraude, prendre son temps. S'offrir pour raffiner le plaisir, un détour du côté des narines. Sur la truffe ou le bonbon, humer les arômes du tropique où la cosse a mûri. Le doigt a sa place dans l'opération. Il découvre simultanément, juste avant la fonte, l'exacte charpente du corps chocolat. Puis la mâchoire se referme, impérative mais subtile. C'est dans cet équilibre que vont s'éprouver le savoir-faire, l'expérience, le talent du croqueur ou de la croqueuse de chocolat. Le reste, les effets de langue, les délices plus ou moins prolongés de la déglutition, l'abandon qui suit, ne forment que le couronnement de cet instant royal que je viens de décrire, où la bouche, sauvage et artiste ensemble, a possédé sa proie.